Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Trace antidate, langue en laisse, promesse imprimée. Mouvement mort, sa fougeteur de sort. La conscience se perd en chemin et égare la vérité aussi unique que polydimensionnelle. En partant de A, celui représentant pour ceux qui naviguent en réalité, de D, un triangle aussi ouvert mais barré comme un fan futuristique de chat pianiste à chapeau de pastèque que pic, pic, clic, l'astérique des erreurs à vitesse lunaire, bonnet oméga, pisse en cercle tout juste tracé vers le B, aussi bêta qu'un citadin salarié, surinant sa conscience surannée sous sentence sociale, suivant ses assassins du sens, qui n'est que mot malédiction, prophétie parolière en massage monteur, spectacle, d'un verbe qui est vengeance. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Trace antidate, langue en laisse, promesse imprimée, mouvement mort, sauf au jeteur de sort. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Trace antidate, langue en laisse, promesse imprimée, mouvement mort, sauf au jeteur de sort. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Trace antidate, langue en laisse, promesse imprimée, mouvement mort, sauf au jeteur de sort. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance et le mot malédiction. Non? Mais je crois que sinon, non? Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Le verbe est vengeance, le mot malédiction. Sauf au jeteur de sort.